عن جابر بن عبد الله حدث رضي الله عنه حدث أنه بلغه حديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال فابتعت بعيرا فاشتدت إليه فشددت إليه رحلي شهرا حتى قدمت الشام فإذا عبد الله بن أنيس فبعثت إليه أن جابرا بالباب. جابر بن عبد الله nous dit qu'il lui est parvenu qu'un homme parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam transmettait un hadith. Alors j'ai pris un chameau et j'ai voyagé durant un mois jusqu'à atteindre Al-Sham. Al-Sham, c'est la région qui se trouve vers la Syrie. Alors j'ai trouvé Abdullah ibn Hunais, je l'ai envoyé pour dire qu'il y avait Jabir à la porte. Faraja al-Rasul, donc l'émissaire est revenu, faqal, Jabir ibn Abdillah. قلت نعم. Cette personne est arrivée, a dit Jabir ibn Abdillah. J'ai répondu oui, c'est moi. Donc Jabir ibn Abdillah est un compagnon du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a voyagé un mois pour aller entendre le hadith d'une personne qui avait entendu un hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. نعم. فخرج فاعتنقني. Donc quand l'homme il a su que Jabir ibn Abdillah est à sa porte, il est sorti et il lui a fait la collade. Il l'a embrassé. قلت حديث بلغني لم أسمعه خشيت أن أموت أو تموت. Qu'est-ce qu'il lui a dit Jabir ibn Abdillah? Donc lorsque la personne lui a demandé ce qui l'amenait, il lui a dit un hadith que tu as. J'ai eu peur de mourir avant ou que tu meurs toi avant de me l'avoir apporté, de me l'avoir transmis, de l'avoir entendu de ta part. Mafhoum? Il a voyagé la distance d'un mois pour écouter un hadith. Pourquoi? Il a eu peur que le sahabi décède avant que Jabir ait pu entendre ce hadith de sa part. Ou bien que Jabir décède, radiallahu anhuma. Qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul yahshuru Allah al-ibada aw an-nasa ghuratan ghurlan buhma qulna ma buhma qala laysa ma'ahum shay'un fayunadihim bi sawt yasma'uhu man ba'uda ahsabu qala kama yasma'uhu man qarub ana al-malik la yanbaghi li ahadin min ahli al-janna yadkhulu al-janna واحد من أهل النار يطلبه بمظلمة ولا ينبغي لأحد من أهل النار يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة قلت وكيف إنما نأتي الله غراة بهما قال بالحسنات والسيئات خرج البخاري في الأدب المفرد قال الألباني حسن quel était ce hadith Allah ressuscitera les serviteurs ou bien les gens nu, non circoncis, bohma. Alors nous avons dit que signifie bohma. Il a dit sans rien du tout. Ils sont restés sans rien, sans affaires, sans provisions, ainsi de suite. Ils ne posséderont rien. Il les appellera, c'est-à-dire Allah les appellera. Bisout, avec une voix. Wa fi hada raddun al mubtadi'a alladhina ankaru sifat al kalam lillahi azza wa jal min al ash'a'ira wa man hada nahwahum. Il les appellera avec une voix. Donc Allah Azza wa Jalla yatakallam bi sawt yusma'. Ça, c'est une preuve qat'i que Allah subhanahu wa ta'ala yatakallam wa yusma' kalam et que sa parole sera entendue. L'entendra celui qui est prêt comme celui qui sera loin. Je suis le roi. Il ne convient pas à une personne du paradis d'entrer au paradis alors qu'une personne parmi les habitants de l'enfer a un droit sur lui, une injustice qu'il lui a faite. Mafhoum? La personne qui doit entrer au paradis, par la grâce d'Allah, n'entrera pas au paradis tant que quelqu'un aura un droit sur lui, même si c'est quelqu'un qui entre en enfer. Et la personne qui entre en enfer n'entrera pas en enfer alors qu'une personne des gens du paradis a un droit sur elle. Naam? Alors qu'une personne des gens du paradis a un droit sur elle. Alors j'ai dit, comment cela est-il possible alors qu'on viendra chez Allah sans rien? Ou plutôt nu. On comprend dans ce hadith que les gens vont rendre les droits les uns des autres, vont se rendre les droits. Celui qui a volé un tel, il va lui rendre son haq et ainsi de suite. Le sahabi a dit, comment cela alors qu'on viendra yom al-qiyama, on ne possédera rien? Quelle est la réponse? Bil hasanat wa sayyiat. C'est avec les bonnes et les mauvaises actions. Cela a été expliqué dans le hadith et par les savants par la suite. C'est que celui qui a un haq, il va se servir en hasanat. Et si la personne ne possède plus de hasanat, alors on lui donnera les péchés. C'est-à-dire que la personne qui a le haq va se décharger sur l'autre de ses péchés. Jusqu'à ce qu'elle ait récupéré son haq. Allah al-musta'an. Voici quelques textes afin de nous motiver, afin qu'on puisse trouver l'endurance nécessaire dans la recherche de la science. Kana min sunnati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bayna al-fayn wal-ukhra an yudhakkira an-nisa wa an ya'idhahunna bima yanfa'uhunna في الدنيا والآخرة. وعلى هذا درج الصحابة والتابعون وأتباع التابعين والأئمة المهديين وعلماؤنا إلى يومنا هذا. فمقتديا بهم نذكر اليوم ونعظ النساء وموعظة النساء لا تختص بهن بل المعني بها كذلك الرجال من الآباء والأبناء والأعمام والمدرسين والدعاة وهكذا. Fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, faisait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam le fait d'exhorter les femmes de temps à autre. Le fait de spécifier les femmes par des conseils qui leur sont plus ou moins propres. En plus des conseils généraux dans lesquels entrent les femmes. لَنَّ النِّسَى شَقَائِقَ الرِّجَالِ. Les femmes sont les consœurs des hommes. Donc les textes, que ce soit du Coran ou de la Sunna, concerne tout le monde, les hommes ainsi que les femmes. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par moment, faisait des rappels aux femmes. Et c'était des choses propres à elles. Et c'est la sunna qui a été suivie par Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali. Puis, par l'ensemble des sahabes. Puis par les successeurs et ceux qui ont suivi les compagnons avec excellence, puis par les ulama jusqu'au jour d'aujourd'hui, par nos savants. C'est ainsi qu'en suivant leur exemple, je vais réserver cette heure pour exhorter nos mères, nos sœurs, nos tantes, wahalum, wafaqahunna Allah. Donc c'est ainsi que je vais utiliser cette heure pour adresser certaines exhortations aux femmes, qu'elles fassent partie de nos chères mères, de nos chères tantes, de nos sœurs en Allah, qu'elles soient enseignantes ou étudiantes, qu'elles soient mères ou filles, et ainsi de suite. Et parmi ceux qui ont écrit et beaucoup parlé dans ce sujet, il y a le savant Al-Sheikh Abdul Razzaq Al-Badr, Hafidhahullah Ta'ala. Dans plusieurs discours du vendredi et dans plusieurs exhortations, il s'est adressé à ses filles, à ses sœurs et ses mères. Par la suite, certaines personnes ont réuni ces exhortations dans un ouvrage. Et le Shir l'a pris et a ajouté quelques annotations. Et a appelé ce livre Mou'idatul Nisa. Mou'idatul Nisa, na'am. Akada. Exhortation pour les femmes ou des femmes. فقال حفظه الله تعالى الحمد لله الذي من علينا بالقرآن وهدانا للإيمان وشرح صدورنا للإسلام وجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن محمدا عبد ورسول وصفي وخليل خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a commencé par lui, Allah subhanahu wa ta'ala, le remercier pour le bienfait de la révélation du Qur'an, la guider à la foi, l'apaisement de la poitrine sur l'islam, et le fait de nous avoir joints à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure créature d'Allah. Puis il a proclamé l'attestation de foi, qu'il n'y a point de limité d'inêtre adoré excepté Allah, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah et la meilleure de ses créatures. أما بعد فهذه رسالة حوت جملة من النصائح والتوجيهات تخص المرأة المسلمة وأصل كثير منها خطب ألقيتها في أوقات متفاوتة. Donc voici une lettre, voici un écrit qui comprend un ensemble de conseils et d'orientations que j'adresse aux femmes musulmanes. Et la base de beaucoup de ces paroles sont des khutab, des prêches du vendredi. وأشار بعض الأفاضل أن تتبع مجموعة رجاء أن ينفع الله بها وقد كان من هدي نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم تخصيص النساء بالوعظ والتذكير كما في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه. Il faisait partie de la voix du prophète صلى الله عليه وسلم de spécifier les femmes dans l'exhortation et le rappel. Comme l'imam Bukhari a rapporté d'Ibn Abbas, قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة. Ibn Abbas nous dit, le prophète صلى الله عليه وسلم est sorti, a prié, puis a fait une khutbah. C'était le jour du Eid. Puis il s'est dirigé vers les femmes après la khutbah, après l'Eid. Après la prière et la khutbah du Eid. Puis il s'est dirigé vers les femmes, il les a exhortées, il leur a fait un rappel, il leur a ordonné de faire des aumônes, de donner des aumônes. قال الحافظ ابن حجر وفي هذا الحديث من الفوائد استحباب وعظ النساء. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى nous dit, on tire de ce hadith le caractère recommandé de faire des exhortations aux femmes. وتعليمهن أحكام الإسلام et le fait de leur enseigner les règles de l'islam وتذكيرهن بما يجب عليهم et leur rappeler ce qui leur est obligatoire. وقد سمعت ce hadith est rapporté par Imam al-Bukhari. وقد سميت هذه الوصايا والنصائح موعظة النساء et j'ai appelé ces exhortations et ces conseils l'exhortation des femmes. والله نرجو وحده أن يوفق النساء المسلمين وبناتهم لكل خير وصلاح وعز ورفعة. Puis il invoque Allah Azza wa Jal afin de faire en sorte qu'il accorde la réussite aux femmes musulmanes, à leurs filles. Il accorde tout le bien, la piété, l'élévation. وأن يجنبهن مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. Et qu'il les éloigne des troubles. Innahu sami'un mujib wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkalt wa ilayhi unib wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil 'azhim wa sallallahu wa sallama 'ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Usulun 'azima. L'auteur rahimahullah ta'ala a commencé par des bases. La chose la plus importante, c'est les fondations. Dans un édifice, la chose la plus importante, c'est les fondations. Et celui qui veut éduquer la femme musulmane, celui qui veut éduquer l'éducatrice des hommes et des femmes, l'éducatrice de la communauté, il lui faut savoir que cette éducation repose sur des bases. Et la femme qui veut le bien pour elle, il lui faut savoir que son bien, il repose sur des fondements, sur des fondations. Si elle les saisit, si elle les comprend, tout le reste sera que plus facile. La pratique de sa religion sera facile. Elle prendra un grand plaisir à mettre en pratique sa religion. Et l'homme qui aspire à avoir une épouse pieuse, une fille pieuse, et ainsi de suite, il lui faut comprendre ses bases. Il lui faut comprendre ses bases pour que la femme puisse avoir la poitrine élargie pour accepter les préceptes de l'islam et les injonctions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit donc, Ya ayyatu, ou bien Ya ayyatu al muwaffaqa, ô toi celle à qui on accorde la réussite. Tayyab Allahu hayataki bil ilmi wal iman, qu'Allah adoucisse ta vie ou te mette du bien dans ta vie par la science et la foi. Wa tayyab awqataki bi ta'ati wal ihsan, et qu'il améliore tes heures par son obéissance et la bienfaisance. Wa tayyab badanaki bi sitri wa ihtisham wal ihtisham, et qu'il améliore ta personne, ton corps, par le voile et la pudeur. Hadi wasiyatun uhdiha laki radian min Allah subhanahu wa ta'ala anfa'aki biha. Voici quelques recommandations que je t'offre. Donc ici, il s'adresse aux femmes en espérant en Allah qu'il t'en fasse profiter. Wala siyama annaki fi mawdhi'in anti fihi qudwatun fil khayr wal istiqamati wat ta'ati lillahi tabaraka wa ta'ala. Tout particulièrement, et particulièrement à toi qui es un exemple dans le bien, dans la droiture, dans l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alayki an tashta'iri أيتها الفاضلة أن نعمة الله سبحانه وتعالى عليك بهذا الدين عظيمة ومنته عليك بالهداية إليه كبيرة فهو الدين الذي ارتضاه لعباده وكمله لهم ولا يقبل جل وعلا منهم دينا سواه. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم إنه الدين الذي أصلح الله به العقائد والأخلاق وأصلح به الحياة الدنيا والآخرة وزين به ظاهر المرء وباطنه وخلص به من اعتنقه وتمسك به من براثن الباطل ومهاوي الرذيلة ومن زلقات الانحراف والضلال. إنه الدين العظيم المبارك المثمر للخيرات للخيرات المباركات والثمار النافعة التي تعود على المستمسكة به في الدنيا وأخرى. الشيخ nous dit dans une magnifique introduction, il te faut, c'est-à-dire, ô ma sœur, que tu ressentes, il te faut ressentir, ô toi, ma noble, que le bienfait d'Allah sur toi, de par cette religion, est immense, grandiose, et qu'il t'a comblé en te guidant, et que la guidée qu'il t'a accordée est une chose immense. C'est cette religion qu'il a agréée pour ses serviteurs et qu'il a complétée et parfaite. Et il n'accepte aucune religion en dehors de celle-ci, c'est-à-dire l'islam. Allah nous dit, sur la traduction, certes la religion chez Allah est l'islam. Surat Ali Imran, verset 19. Il nous dit également, sur la traduction dans Surat Ali Imran, le verset 85, et celui qui recherche une religion autre que l'islam, cela ne sera pas accepté de lui, il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Dans Surat Al-Ma'ida, verset 3, aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion, accompli sur vous mon bienfait et agréé comme religion pour vous l'islam. Donc, c'est la religion par laquelle Allah a réformé les croyances et les caractères, les comportements, et par laquelle il a anobli ou bien réformé la vie dans ce bas monde des gens et dans leur au-delà. Il les a embellis intérieurement, extérieurement, et il les a purifiés. Il a purifié toute personne ayant embrassé cette religion et s'étant accroché à cette religion de tout mal et de choses viles, de tout égarement et de perdition. C'est la religion sublime, bénie, de laquelle découlent tout le bien, toutes les bénédictions et les meilleurs fruits, les choses les plus profitables Tout cela pour qui? Pour toute personne qui s'accrochera à cette religion. Wala budda fi hadha al-maqam ayyatuha al-ukht al-fadila min tadhakkuri wa istihdhari jumlatin min al-usul al-'azima tu'inu mutaammilaha 'ala luzumi hadaya al-din wa tawjihatihi al-'azima wa talaqqiha bil-qabul wa inshirah al-sadr wal-ridha wa tuniru lil-mar'ati al-muslimah tariqaha wa tusaddiduha laha bi-idhnillahi tabaraka wa ta'ala masaraha ila masaraha in wuffiqat lil-'ilmi biha wal-akhdh biha ولعلي أنبه على أهم هذه الأصول وأعظمها راجيا من الله ينفعك بها. الشيخ حفظه الله تعالى nous dit, il me faut absolument ici, ô ma chère sœur, te rappeler et avoir présent à l'esprit un ensemble de bases et de fondements ayant la plus grande importance, qui aideront la personne qui méditera ses fondements à s'accrocher sur les cadeaux qui lui ont été offerts par cette religion. Ou plutôt la guider de cette religion. Ses orientations, et tout cela lui aidera, c'est-à-dire la compréhension de ses bases, l'aidera à accepter avec la poitrine élargie, c'est-à-dire avec facilité, avec délice et amour, et à agréer tout ce qui viendra d'Allah. Ainsi la femme musulmane, son chemin lui sera illuminé et elle sera raffermée par la permission d'Allah sur le bon chemin, à condition qu'on lui accorde la science et qu'elle se l'accapare. Donc pour avoir tout ce bien, il lui faut la science, il faut qu'Allah lui facilite la science. Et ici le Shir nous dit, je vais donc attirer votre attention sur les bases les plus importantes. Et j'espère en Allah qu'il vous en fera profiter. Donc ici la femme doit être tout huit. Et nous également. Car tu es soit le fils d'une femme, soit le père d'une fille, soit l'épouse d'une femme, l'époux d'une femme, soit le neveu d'une tante, et ainsi de suite. أولا عليك أن تعلمي علم اليقين أن أحسن الأحكام وأقومها وأكملها وأجملها أحكام رب العالمين وخالق الخلق أجمعين تبارك وتعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون أليس الله بأحكم الحاكمين وهو خير الحاكمين فإذا أيقنت المسلمة بذلك لم تتردد في قبول أي حكم يبلغها ممن حكم وأمر به الله مما حكم وأمر به الله جل وعلا. La première base, le premier fondement. Premièrement, il te faut savoir d'une science exemptée de tout doute, avec certitude, que le meilleur des jugements, le plus juste, le plus complet, le plus parfait, le plus bon et beau, est le jugement d'Allah, le Seigneur des mondes, le Créateur des créatures, de l'ensemble des créatures, tabaraka wa ta'ala. Il nous dit dans son livre, dans Surat Al-Ma'idah, le verset 50, dans Surat At-Tin, le verset 8, dans Surat Al-A'raf, verset 87, dont la traduction est et qui a un meilleur jugement pour des gens qui ont la certitude, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de meilleur jugement que le jugement d'Allah. Allah n'est-il pas le plus juste des justes, et c'est le meilleur des justes. Donc il a le jugement le plus sage. Si la femme musulmane a la certitude dans cela, c'est-à-dire que le plus juste et celui qui a les jugements les plus sages, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est celui qui la connaît le mieux, c'est celui qui l'a créé, c'est celui qui l'ordonne et lui interdit. Tout cela vient d'Allah, et il n'y a pas meilleur que ce qu'Allah azza wa ta'ala a décidé. Lam tataraddad. À ce moment-là, elle n'aura plus aucun doute, elle n'hésitera aucunement quant à l'acceptation de tout jugement émanant d'Allah. On lui dit, Allah a dit, Allah veut pour toi, elle l'accepte directement. Pourquoi? Elle sait que le meilleur des juges, le plus sage, c'est son créateur. Allah subhanahu wa ta'ala. C'est donc la première chose qu'il faut semer dans le cœur. C'est la première chose qu'il faut semer dans le cœur. Est-ce que ces recommandations sont propres à la femme? Non. On est aussi visé par cela. Mais ici, le shirk s'adresse tout particulièrement aux femmes. À ce moment-là, la femme n'aura plus aucun doute quant à l'acceptation de tout jugement émanant d'Allah ou des ordres venant de lui, subhanahu wa ta'ala. Al-amru thani, la deuxième chose, alayki at-tanabbuh waffaqaki Allah illa anna al-muslimata laha fi hadhihi al-hayati أعداء كثر يسعون لإطاحة بكرامتها وخلخلة سبيل عزها وفلاحها وسعادتها وإيقاعها في حمى الرذيلة وحمأة الرذيلة والفساد. L'auteur nous dit pour la deuxième recommandation, j'ai sauté un point. Ce point était le troisième. Le deuxième point, l'amru thani alayka an tudrika anna sa'adataki wa karamati murtabitatun tamama al-irtibat bi hadha ad-din wa bi ta'ati ar-rabb wa bi ta'ati li rabbil alamin. والتزام أحكامه وشرعه وأن حظك ونصيبك من السعادة بحسب حظك ونصيبك من الطاعة والالتزام وقد قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وقال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها والآية في هذا المعنى كثيرة. La deuxième recommandation, la deuxième grande base, il te faut comprendre que tout ton bonheur et toute ta noblesse est rattaché complètement à cette religion et à l'obéissance que tu auras dans le suivi des ordres, des jugements et de la législation du Seigneur des mondes. Tout ton bonheur, ma chère sœur, toute ta réussite est rattachée pleinement à la religion d'Allah Azza wa Jalla, à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala devant ses ordres, ses jugements et ce qu'il nous a légiféré. Et la part, le pourcentage de bonheur qui te sera accordé, sache qu'il est proportionnel à la part et au pourcentage d'obéissance que tu auras dans cette religion. Donc le bonheur de la femme est rattaché à quoi? À sa mise en pratique de la religion d'Allah Azza wa Jalla. Ceci augmente et diminue en fonction de ce qu'elle augmente et diminue devant la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans les ordres, dans les interdits. Et Allah a dit dans son livre, sur la traduction, dans Surat An-Nisa, verset 31, dans Surat Al-Shams, verset 9, la traduction, si vous vous éloignez des grandes choses qui vous ont été interdites, on vous pardonnera vos péchés. Nous vous pardonnerons vos péchés et nous vous ferons entrer dans de nobles choses. Bienheureux est celui qui se purifie. Donc le bonheur, la purification passe par l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et le suivi de ses ordres. La troisième recommandation, tu dois faire attention à une chose très importante, qu'Allah t'accorde la réussite, c'est que la musulmane dans ce bas monde a de nombreux ennemis. De très nombreux ennemis. Ils déploient toutes leurs forces et attendent la moindre occasion pour entacher sa dignité, pour toucher sa noblesse, sa réussite, son bonheur. Ils attendent, ils sont aux aguets pour pouvoir s'accaparer cette femme, lui faire du mal, la toucher dans sa pureté, dans sa dignité, dans sa noblesse, dans son bonheur. Ils font tout pour lui ôter tout le bien et la faire tomber dans le mal et les choses viles et rabaissantes, dans la perversion. وَيُقَدِّمُونَ فِي سَبِيلِ ذَلِكَ كُلَّ مَا يَسْتَطِيعُونَ. Et pour arriver à leur but, ils avancent et dépensent tout ce qu'ils peuvent. وَيَأْتِ فِي مُقَدِّمَةِ هَؤُلَاءِ الْأَعْدَاءِ الشَّيْطَانِ عَدُو اللَّهِ وَعَدُو الدِّينِ وَعَدُو عِبَادِ الْمُؤْمِنِينَ. À leur tête, à la tête des ennemis de la femme, il y a Shaytan, Iblis, qui est l'ennemi d'Allah, qui est l'ennemi de la religion, qui est l'ennemi des serviteurs croyants. قال الله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. Allah nous dit dans sourate Fatir, verset 6, la traduction, certes le Shaytan est pour vous un ennemi, prenez-le donc en tant que tel. Il ne fait qu'appeler ses partisans à faire partie des adeptes de la fournaise. فالواجب الحذر كل الحذر من هؤلاء الأعداء الذين غايتهم وأكبر منيتهم أن تتخلل المرأة المسلمة من أخلاقها وآداب دينها وأسباب عزها وفلاحها في الدنيا والآخرة. Donc ce qui incombe aux femmes est de prendre garde autant que possible à ses ennemis, ceux dont le but, le plus grand souhait, est que la femme délaisse les nobles caractères, les bons comportements dictés par sa religion, les causes de l'élévation, du bonheur et de la réussite dans ce bas monde et l'au-delà. Subhanallah. La femme doit savoir qu'elle a des ennemis. Et son plus grand ennemi, c'est Shaytan. Les gens complotent contre elle. Le but des gens est de la faire tomber. Le but de ces mauvaises personnes est de la faire tomber dans le mal. Et qu'elle se délie du bien qui l'attache. Auquel elle est attachée. Naam. Leur but est d'éloigner la femme de ce bien et de la faire tomber dans le mal. Si la femme a ceci présent dans son cœur, à son esprit, quotidiennement, elle ne se laissera pas amadouer par les prêcheurs du faux, quelles que soient leurs orientations religieuses et quelles que soient leurs mouvances ou leurs tendances. Al-amr al-rabi', la quatrième base, alayki ayatuha al-muwaffaqa an tu'mini إيمانا جازما أن التوفيق والصلاح والاستقامة وتحقيق الخير والبركة والكرامة بيد الله جل وعلا فهو الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض فمن أعزه الله فهو العزيز ومن أذله الله تبارك وتعالى فهو المهين وقد قال الله تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَلِهَذَا عَلَيْكِ فِي هَذَا الْمَقَامِ أَنْ تُقَوِّي صِلَتَكِ بِاللَّهِ وَأَنْ تَلْجَئِي إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى دَوْمًا وَأَبَدًا سَائِلَةً الْهِدَايَةَ وَالتَّوْفِيقَ وَالثَّبَاتَ عَلَى الدِّينِ وَأَنْ يُسَلِّمَكِ مِنَ الْفِتَنِ وَأَيُصْلِحَ لَكِ دِينَكَ وَأَيُعِيذَكِ مِنَ الشُّرُورِ وَأَيُجَنِّبَكِ مَوَاطِنَ الرِّيَبِ وَالْفَسَادِ وَمَنْ أَقْبَلَ عَلَى اللَّهِ بِصِدْقٍ وَدُعَائِهِ وَرَجَائِهِ حَقَّقَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لَهُ مُرَادَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَهُ مُرَادَهُ وَيَسَّرَ لَهُ مُبْتَغَاهُ ومن عظيم الدعاء اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري واصلح لي دنياي التي فيها معاشي واصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل لي الحياة واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر رواه مسلم. La quatrième recommandation, il te faut savoir, pour toi qui Allah accorde la réussite, que tu dois avoir une foi ferme, exemptée de tout doute. Quant au fait, tu dois savoir et croire que la réussite, la piété, la droiture, le fait de pouvoir atteindre un bien, la bénédiction, tout cela est dans la main d'Allah. Toute noblesse, tout bien, toute guidée, piété, réussite est dans la main d'Allah. C'est donc lui qui détient l'ordre tout entier et qui décide de tout ce qui se passe dans les cieux et la terre. Ainsi, celui qu'Allah anoblit est le noble, celui qu'Allah élève est celui qui est élevé, celui qu'Allah rabaisse est celui qui est rabaissé. Allah nous dit dans Sourate Al-Hajj, verset 18, donc la traduction, celui qu'Allah rabaisse, tu ne trouveras personne pour l'anoblir. Certes, Allah fait ce qu'il veut. Et c'est pour cela qu'il te faut ici renforcer ton lien avec Allah et te diriger pleinement vers lui, toujours, en lui demandant la guider et la réussite et qu'il te permette d'être ferme sur sa religion. Tout comme tu dois lui demander de te préserver des troubles et de te réformer, de réformer pour toi la religion. Et de lui demander de te préserver du mal et qu'il t'éloigne des endroits douteux et du mal. Et celui qui se dirige vers Allah avec véracité dans ses avec un dua, Allah lui accordera ce qu'il recherche et lui donnera ce qu'il voulait. Et parmi les grandes invocations, où Allah réforme ma religion, après je ne sais pas traduire, wa ismatu amri. Et réforme mon bas monde où je vis, et réforme mon au-delà où il y a mon retour, et fais pour moi de ce bas monde de ma vie une augmentation dans le bien, et fais pour moi de la mort un repos devant tout mal. La cinquième recommandation. Al-amr al-khamis. أن يكون أكبر اهتمامك أيتها الموفقة في هذه الحياة أن تحظى بنيل الكرامة عند الله وأن تفوزي بالسعادة برضا الله سبحانه وتعالى وأن تسعدي بما أعده الله سبحانه وتعالى لعباده المكرمين الذين قال الله فيهم أولئك في جنات مكرمون. L'auteur rahimahullah ta'ala wa hafidhah nous dit, la cinquième base, le cinquième point, ton but premier, la chose dans laquelle tu dois le plus déployer tes efforts quant à son obtention, donc dans ce bas monde, est de rechercher la noblesse chez Allah. Le but premier de la femme, fi dunya, son plus grand but, ça doit être quoi? Chercher une place chez Allah. Chercher une place chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'obtenir l'énorme succès de par son agrément. De par son agrément. Le but de la femme quotidiennement, c'est quoi? Comment vais-je faire pour qu'Allah soit satisfait de moi? Comment vais-je faire pour qu'Allah soit satisfait de moi? Ainsi, il m'accordera tout le bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Ça, c'est ce qui doit occuper le cœur de la femme au quotidien. Naam. Ça, c'est un asl azim. De cela va découler tout le bien dans sa vie. Ce simple fondement lui réforme, à lui tout seul, il réforme beaucoup de choses dans sa vie. Naam. Elle a un différend avec telle personne. Elle va se comporter de telle manière ou de telle manière. Mais la femme qui a ça dans son cœur, elle va se dire comment je dois me comporter avec cette personne pour qu'Allah soit satisfait de moi. Elle va retenir sa langue pour telle chose, elle va retenir ses mains pour telle autre chose. Naam. Ses parents vont lui dire telle chose qui l'ont irrité. Au lieu de répondre de telle manière, elle va se rappeler que son but c'est l'agrément d'Allah. Alors elle va répondre différemment. Elle a un différent avec son mari. Elle se rappelle que son but c'est l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle va se comporter de telle manière. Alors que la femme qui n'a pas cela présent dans son cœur, son comportement, ses paroles seront totalement différentes. Et wallah. Donc son but premier doit être la recherche du bonheur à travers l'agrément d'Allah. Elle doit vouloir une place chez Allah. Comment vais-je faire pour avoir une place chez Allah? Comment vais-je faire pour obtenir l'énorme succès et l'énorme bonheur qu'Allah a préparé pour ses serviteurs pieux, c'est-à-dire fil jannah? Hein? Comme Allah nous le cite dans le Coran, dans Sourate Al-Ma'arij, Oulaika fi jannatin mukramun, ceux-là seront dans des paradis honorés. Fatilka hiya al-karamatu al-haqiqiyya. Voici la noblesse, la vraie noblesse. C'est de vivre dans la piété, dans l'obéissance d'Allah. Chercher à avoir une place chez Allah subhanahu wa ta'ala et à chercher à se rapprocher de lui. Et Allah nous dit dans Sourate Al-Hujurat verset 13: Inna akramakum 'inda Allah atqakum. Le plus noble d'entre vous chez Allah est le plus pieux. Wa fi sahih an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala qila lin nabiy sallallahu alayhi wa sallam man akramun nas qala akramuhum atqahum. رواه البخاري فمن ابتغى الكرامة من غير هذا السبيل فإنما يركض في سراب ويسعى في سبيل خيبة وخسران وتباب. الأوتار رحمه الله تعالى وحفظه ندي dans le recueil de l'imam البخاري أبو هريرة dit il fut dit au prophète صلى الله عليه وسلم quelle est la personne la plus noble et la meilleure des personnes? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: le plus noble d'entre vous est le plus pieux. Le plus noble d'entre vous est le plus pieux. L'auteur nous dit: donc, celui qui recherche, ou celle qui recherche la noblesse dans autre chose que ce chemin-là, ne fait que chercher à s'abreuver d'un mirage. J'ai un doute sur la traduction. Et il ne fait qu'emprunter un chemin où il y a la perte et la et où il y a la perte. Al-amr sadis, la sixième base, alayka an ta'lami ayyatuha al-muwaffaqa. أن أحكام الشرع المتعلقة بالمرأة شأنها كشأن أحكام الدين كلها محكمة غاية الإحكام متقنة غاية الإتقان لا نقص فيها ولا خلل ولا ظلم فيها ولا زلل كيف لا وهي أحكام خير الحاكمين وتنزيل رب العالمين الحكيم في تدبيره البصير بعباده العليم بما فيه سعادتهم وفلاحهم وصلاحهم في الدنيا والآخرة ولهذا فإن من أعظم العدوان وشد الإثم والهوى أن يقال في شيء من أحكام الله المتعلقة بالمرأة أو في غيرها أو غيرها إن فيها ظلما أو هضما أو إجحافا أو زللا ومن قال ذلك أو شيئا منه فما قدر ربه حق قدره ولا وقره سبحانه وتعالى حق توقيره والله جل وعلا يقول ما لكم لا ترجون لله وقارا. L'auteur nous dit, Hamidahullah Ta'ala, le sixième fondement, il te faut savoir, ô toi à qui on accorde la réussite, ou bien qu'Allah t'accorde la réussite, toi à qui Allah a accordé la réussite, que les règles de la religion relatives à la femme sont tout comme les règles de la religion relatives aux autres domaines de la religion. Ils sont clairs, parfaitement clairs, explicites, parfaitement explicites, parfaits, sans aucune imperfection, ni défaut. Il n'y a aucune injustice et aucun écart. Comment cela serait-il possible alors que ce sont les jugements du plus juste des justes, du plus sage des sages? La révélation du Seigneur démontre le jugement, ou bien celui qui est sage dans sa gérance et son administration, celui qui est clairvoyant de ses serviteurs, savant de ce dans quoi il y a tout leur bonheur et leur réussite, leur réforme dans ce bas et leur réforme dans ce bas monde et l'au-delà. Retenez ce point. Qui est-ce qui a ordonné à cette femme? Qu'est-ce qui a interdit à cette femme? Qu'est-ce qui oriente cette femme? De qui viennent ces jugements? Ils viennent de celui qui l'a créé. Ils viennent de celui qui est le plus sage. Ils viennent de celui qui connaît parfaitement le serviteur. Ils viennent de celui qui a de la miséricorde pour nous, qui nous voit parfaitement, qui nous connaît, qui sait où est notre bonheur. Wallah, ici on penserait comme ça. Na'am, mais on aurait cette aqida. Nous n'aurions pas de mal à nous soumettre devant les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et devant l'acceptation de ces informations. Na'am, nos défaillances, nos imperfections ne sont que les résultats de nos manques de compréhension de ces règles. Na'am. Et par moments, il se peut que l'homme critique les femmes de sa famille, alors qu'en réalité, il n'a pas éduqué la femme à travers les enseignements des ulama. Na'am. Nous, notre religion, elle est caractérisée par le fait qu'elle englobe toutes les parties composantes de notre vie. Le domaine social, le domaine économique, le domaine religieux, et ainsi de suite. Ne dis pas, lorsqu'il s'agit du commerce, non, c'est bon, ça, c'est pas religion, moi, je connais kada ou kada. Ne dis pas, lorsqu'il concerne la femme, non, je connais kada. Là, elle dit, yu'allimuka kulla shay. La religion t'enseigne toutes choses. Elle n'a pas omis de t'enseigner comment te comporter aux toilettes. Na'am. Comment est-ce qu'elle aurait pu omettre de t'enseigner comment te comporter avec les femmes de ta famille? هذا مهم جدا الذي يقبل على الزواج, celui qui s'avance dans le mariage, celui qui s'apprête à éduquer ses filles, celui qui a des sœurs, celui qui وهكذا هذا علم مهم جدا. Voici une des causes de la réussite dans la vie. Na'am, le fait de connaître ces choses-là, et tout particulièrement la femme, pour qu'elle se réforme elle-même avant même d'entendre les exhortations de ces maharim et awliya. Donc il n'y a aucune injustice dans les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça n'est que la révélation du Seigneur des mondes. Celui qui voit parfaitement et connaît parfaitement ses serviteurs et sait parfaitement dans quoi il y a leur bonheur, leur bien et leur réussite dans ce bas monde et l'au-delà. Et parmi les plus grands manques de respect envers Allah et sa religion, le fait de dire, concernant ces ordres religieux, ou bien tout ce qui concerne ce qu'Allah a légiféré pour la femme, ou révélé sur la femme, qu'il y a de l'injustice, ou que ça n'est pas juste pour la femme, ou que c'est trop dur, ou ce genre de phrase. Celui qui dit une parole semblable, concernant une chose ayant un rapport avec la femme, que ce soit des versets du Coran ou des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'aura pas estimé Allah comme il convenait de le faire. Ou, disons plutôt, il n'aura pas respecté Allah comme il convenait de le faire. Il n'aura pas respecté Allah. C'est lui qui dit, que ça n'est pas sage, ou pourquoi ça, ou ce genre de paroles, il n'a pas respecté Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est Allah qui l'a créé, c'est Allah qui lui a géré tout cela. Il nous dit dans Surat Nuh, verset 13, selon la traduction, qu'avez-vous à ne pas considérer Allah comme il le faut? C'est-à-dire, vous ne vous comportez pas envers lui tel qu'on devrait se comporter envers celui qu'on respecte. Vous ne vous comportez pas envers lui comme on devrait se comporter envers avec celui qu'on respecte. والتوقير والتعظيم. Et التوقير, c'est le fait d'immensifier la chose. ومن توقيره سبحانه أن تلتزم أحكامه وتطاع أوامره ويعتقد أن فيها السلامة والكمال والرفعة ومن اعتقد فيها خلاف ذلك فما أبعده عن الوقار. الشيخ حفظه الله تعالى ندي. Le fait de respecter Allah, c'est le fait de l'immensifier. Et celui qui entre dans cela, fait partie du respect d'Allah, le fait de suivre, d'emprunter, de respecter ses jugements, de lui obéir dans ses ordres et d'avoir comme croyance que dans tous ses jugements et dans tous ses ordres, il n'y a que la justice, que la perfection, que la noblesse et que l'élévation. Et celui qui a dans sa croyance autre chose que cela, ô combien il est loin et éloigné du respect. Ô combien il est loin et éloigné du respect. Et cette personne est plutôt à même de recevoir l'humiliation et la honte dans ce bas monde et l'au-delà. Na'am. Elle a parfaitement fait les causes pour recevoir l'humiliation et le rabaissement et la honte. فلنتقي الله ولنعظم أحكام الله سبحانه وتعالى. Il nous faut donc craindre Allah et immensifier ses préceptes ou ses jugements. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Et Allah nous dit selon la traduction, et celui qui accorde l'importance aux préceptes d'Allah, cela fait certes partie de la piété des cœurs. Surat al-Hajj, verset 32. هذه بعض التأصيلات هذه بعض التأصيلات المهمة والضوابط العظيمة والضوابط العظيمة والأسس المتينة التي نحتاج أن نذكرها دائما لتلين قلوبنا وترتاب نفوسنا ولنقبل ولنقبل أحكام ولنقبل أحكام الله سبحانه وتعالى كلها بانشراح صدر وطمأنينة نفس وإقبال على أحكامه جل في علاه التي هي سبب السعادة وسبيل الفلاح أو سبيل الفلاح في الدنيا والآخرة. Voici certains fondements très importants et certaines règles grandioses et fondations solides dont nous avons besoin, dont nous devons nous rappeler souvent et toujours afin que nos cœurs s'adoucissent. Et pour pouvoir accepter les préceptes d'Allah entièrement, pour tout accepter d'Allah avec la poitrine détendue et large, avec sérénité, quiétude et tranquillité d'âme, tout cela, avec tout cela, on accepte les préceptes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces préceptes même qui nous garantissent ou bien dans lesquels il y a la cause du bonheur, le chemin de la réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà. On s'arrête là, et Inch'Allah dans une Mada, c'est proche du tiers. Et dans une prochaine assise, Inch'Allah Ta'ala, on lira une seconde partie, puis une troisième partie, jusqu'à finir le livre. Barakallahu fikum wa sallallahu wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ce rappel, comme je l'ai dit, a plusieurs causes. La première, mutaba'atu rasulina al-karim sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait de prendre exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de le suivre dans son prêche, sa da'wah, et les sujets qu'il a traités. La deuxième, c'est le grand besoin qu'ont nos mères, mes et sœurs, tantes, filles, et ainsi de suite devant Mada, ses conseils. La troisième, c'est que nombreuses sont les plaintes adressées aux femmes. Les gens se plaignent beaucoup des femmes, de leurs épouses, se plaignent beaucoup des élèves femmes, se plaignent beaucoup à elles. Donc, plutôt que de critiquer, plutôt que de parler et d'ajouter lourdeur à leur lourdeur, à une époque où elles sont persécutées de toutes parts, mieux vaut leur donner ce qui va leur servir à se réformer. Naam. Aussi, il y a une éducation pour les hommes. Aussi, il y a dans cela une éducation pour les hommes. Naam. Car il met au monde, naam, ou plutôt il assoit sa mère qui l'a mis au monde, soit sa tante, soit ses sœurs, soit il va se marier. Donc, il sera amené à prodiguer le conseil sincère. Et il lui faut pour cela avoir les provisions. Amma, le fait de parler selon ce que t'a dit ton voisin, ou selon ce que t'a conseillé le commerçant du coin, ou autre chose, et c'est comme ça que tu penses que tu vas réussir dans l'éducation de tes filles, ou bien le conseil adressé à tes épouses, là, kullu hadha ilm, tout ça c'est du ilm. Naam. Et beaucoup qui ont failli, parmi ceux qui ont failli dans leur mission, et qui n'ont trouvé pour se consoler que la critique et le dénigrement des femmes de la communauté, en disant par exemple, les sœurs de France Kada, les sœurs de France Kada, les sœurs de France Kada. Ta mère est une sœur de France. Naam. Ta sœur est une sœur de France. Ton épouse est une sœur de France. Ta fille sera peut-être une sœur de France. Donc est-ce que tu agrées qu'on jette cette remarque à consonance péjorative sur ces femmes-là? Non, les gens non plus ne l'agréent pas. Les gens non plus ne l'agréent pas. Certaines personnes même, se référant à la science, ou qu'on montre du doigt comme étant Shir un tel, ou le Faqil Maliki un tel, naam, dénigrent en public dans un test des femmes de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'Allah azza wa jal a'azzahunna fil Qur'an, alors qu'Allah les a anoblis par le Qur'an. Alors que comme Omar ibn al-Khattab ou d'autres parmi les pieux prédécesseurs ont dit, on ne considérait aucunement la femme dans la jahiliya. Mais lorsqu'on a vu qu'Allah l'a cité dans le Coran, on a su qu'elle avait une place. Et vous savez tous que la sourate du Coran, qu'une des sourates du Coran, s'intitule Sourate Nisa. Naam. Et vous savez tous que parmi les sourates du Coran, il y a une sourate qui s'appelle Sourate Maryam. Naam. Le nom d'une femme. Wahakada. Vous savez tous que dans le Coran, Allah Azza wa Jalla a fait des recommandations aux femmes. Vous savez tous que dans la sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Staousu bin nisa'i khayra. Faites de bonnes recommandations aux femmes. Naam. Par la suite, tu vas entendre une personne qui se réclame de la science. Naam. Et qui, et malgré ça, se permet en public de dire une phrase dont le sens rapproché est, yani en gros, comme s'il met en garde contre le fait d'épouser, yani les sœurs d'ici, car en général, elles sont mauvaises ou elles ont telle chose dans leur passé ou akada ou akada. La hawla wa la quwwata illa billah. Hadha dhannuka bi akhawatik. Yani tu dis en public dans un dars que les femmes en général, elles sont comme ça. Il est à deux doigts de dire qu'elles commettent telle chose ou telle chose qu'on n'ose pas dire. Hadhihi suratuka min banati Hawa min ماذا أمهات المؤمنين وأخوات المؤمنين وبنات المؤمنين وخالات المؤمنين وعمات المؤمنين. Est-ce donc cela la considération que tu as des mères des musulmans, des tantes des musulmans, des ماذا des filles des musulmans, des épouses des musulmans, hakada. Yani il faut aller épouser une femme qui habite très loin de la région pour être pour avoir presque la garantie qu'elle est droite, hakada. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Na'am. Et par pudeur, on ne lui dira pas, est-ce que toi tu as ta mère et ta sœur qui sont à Paris? Yani hadhihi al-kalima laha al-lawazim, yani radila jiddan. Cette parole découle de celle-ci des choses qui sont viles et rabaissantes. Que la personne, avant de s'exprimer avec des propos aussi sale, c'est le cas de le dire, réfléchisse. Na'am, et se souvienne qu'Allah Azza wa Jalla l'entend. Al-mar'a, al-muslima tukarram, wa la tuhal. La femme musulmane a été anoblie par Allah Azza wa Jalla. Est-ce que quelqu'un va venir après pour la rabaisser? La femme musulmane, on a fait ses éloges dans le livre d'Allah Azza wa Jalla, le meilleur livre révélé. Est-ce qu'après cela, on va venir nous pour la rabaisser? Falnattaqillah. On doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala dans nos mots et retenir nos langues. Et si cela, on le fait nous, les femmes à plus forte raison ont besoin de le faire entre elles. Na'am, la femme doit s'éduquer, elle doit apprendre, elle doit connaître ces règles-là, puis elle doit en faire profiter à leurs sœurs, dans les assises qu'elles ont entre elles. Plutôt que de passer tout le temps à parler de vêtements, de commerce ou de choses d'enfants et ainsi de suite, qu'elles prennent une part aussi pour ces recommandations, na'am, qui sont les recommandations de la ulama, héritées des recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Waffaqana Allahu wa iyyakum ma fi salahina fi dunya wal akhirah. Allahumma izzal islam wal muslimin wa dhilla shirka wal mushrikin. Allahumma alayka bir rafidah dammirhum tadmira. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya dhal jalal wal ikram ya qawi ya aziz. Allahumma alayka bir rafidah. Allahumma dhilla al rafidah. Allahumma dhilla al rafidah. اللهم ذل الرافضة وعز أهل السنة في كل مكان وانصرهم على أعدائهم والمسلمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.